Quelque part sur le fil de ces années de sommeil, funambule ordinaire, spectateur de soi-même, tiré, semé l'exsangue, multipliant les soleils, sa flemme. Ignorer ceux qui passent avec des yeux de serpent, serrer des mains, changer de masque au gré des courants, tenir le cap encore même si contraires sont les vents, devant. Quelquefois, pouvoir se dire j'ai fait un pas, se surprendre à ouvrir les bras, balayant d'un revers de main tous les embruns. Quelquefois, quand on a fait ce premier pas, danser sur des planchers de roi, suffit de rien pour être bien, oui, mais de moi. L'ironie des miroirs avec leur coup de canif, péage bien sûr on s'aime, enfin tout est relatif. Comme disait le maître, on se croit mèche, on n'est que suif, que suif. Coup franc systématique et retour à l'envoyeur, non-dit assourdissant et quotidien ravageur. Restez badin surtout, même si fané sont les cœurs. Tu pleures quelquefois, pouvoir se dire j'ai fait un pas, se surprendre à ouvrir les bras, balayant d'un revers de main tous les embruns. Quelquefois, quand on l'a fait ce premier pas, danser sur des planchers de roi, suffit de rien pour être bien. Ces années d'atonie, funambule ordinaire et spectateur ahuri, raté, semé l'exsangue, multipliant les sursis, sa vie. Thank you.